Question 34. Quelle est la voiture qui passe la première? La voiture bleue? Réponse A. La voiture rouge? Réponse B.